Je n'ai pas une minute de plus que mes 16 ans. Ils m'appellent petite pute et des noms déplaisants. Samedi soir si je danse, toi je m'en confessais. Est-ce que comme pénitence je mérite la fessée? C'est vrai au fond que je ne suis pas un ange, comme ceux des plafonds que peignait Michel-Ange. Pourquoi me reprocher la faute originelle? Je ne suis pas trop moche et ce serait criminel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne me jugez pas trop durement, je vous en prie. Mon junior, si c'est vrai, il le dit. Mais est-ce que mon seigneur ira au paradis? Y'a aucun déshonneur s'il n'aime pas rester seul. Je ne suis qu'une faute mineure, mais suis-je bien la seule? Séminaire et conclave, loin de moi, que fait-il? Me veut-il comme esclave? Eh bien, ainsi soit-il. Aujourd'hui c'est dimanche, moi je l'aime, mais lui, si la fumée est blanche, ça veut dire que c'est oui. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne me jugez pas trop durement, je vous en prie. Je n'ai pas une minute de plus que mes 16 ans. Ils m'appellent petite pute et des noms déplaisants. Samedi soir si je danse, toi je m'en confessais. Est-ce que comme pénitence je mérite la fessée? Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne me jugez pas trop durement, je vous en prie.